إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours 24 dans l'explication de Kitab al-Kaba'ir du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Sheikh Saleh al-Fawzan. Et on est arrivé donc au chapitre qui s'intitule Babun dhikru marad al-qalbi wa mawtihi. Babun dhikru marad al-qalbi wa mawtihi. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été mentionné dans les textes du Coran et dans la Sunna au sujet de la maladie du cœur et de la mort du cœur. Et donc on a commencé à parler de ça au dernier cours. On a mentionné les versets qui sont cités par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a cité trois versets. Le premier, c'est fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Dans leur cœur, il y a une maladie et Allah a fait croître cette maladie. L'autre verset, c'est la illam yantahi al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim maradun wal-murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Malounin, aynama thuqifu, ukhidhu wa qutilu taqtila. Donc, c'est ça. Si les hypocrites, ainsi que ceux qui ont une maladie dans le cœur, ainsi que les murjifoun, qui sont à Médine, ne cessent pas, eh bien, yani, donc, ça, c'est les trois versets qu'on a lus au dernier cours, on les a expliqués. Puis, donc, on est arrivé à l'endroit où le cheikh explique la question du cœur qui est endurci. Al-Qalb al-Qasi. Il a cité les versets à ce sujet-là aussi dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik, fahiya kal hijarati aw ashad qaswa. Puis leurs cœurs se sont endurcis après cela, elles sont donc devenues comme de la pierre ou plus dure encore. Et il dit également, il a cité aussi le verset dans Surah Al-Hadid. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Ne soyez pas comme ceux qui ont reçu le livre auparavant. Le temps, ils ont trouvé le temps long et donc leurs cœurs se sont endurcis. Donc c'est là qu'on est rendu maintenant. Le cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit فالقلب يقسو حينما يكون بعيدا من الله. وأبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي. Donc il dit que le cœur, il peut devenir dur, et ça c'est lorsqu'il est éloigné d'Allah. Et il dit que plus le cœur est éloigné, les gens qui ont le cœur le plus loin d'Allah, les plus éloignés, eh bien c'est eux, c'est ceux qui ont le cœur dur, comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi. Il dit ensuite فحين إذن يختم عليه بخاتم والعياذ بالله فلا ينفذ إليه الخير. وهذا في الكفار حيث قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Donc le cheikh, il dit que lorsque le cœur devient dur, il peut devenir dur au point où il devient scellé. Il devient scellé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bien qui peut y arriver ou y parvenir. Et il dit ça, c'est à propos des kuffars. À propos des kuffars, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet que Allah a scellé leur cœur et qu'il a mis sur leur oui et sur leurs yeux, ou sur leur vue, un voile, et ils auront un châtiment énorme. Et donc ça c'est pour dire que Allah a scellé leur cœur. A'udhu billah. Et il dit وسبب هذا الخطم أنهم لم يقبلوا الدعوة التي جاءهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم فكذبوه فختم الله على قلوبهم والعياذ بالله فصارت لا تقبل خيرا ولا يصل إليها النور بسبب رفضهم الحق. Donc le cheikh il dit que la raison pourquoi les cœurs de ces kuffars a été scellé, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté l'appel des messagers. Lorsque l'appel des messagers leur est venu, ils l'ont traité de mensonge. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de cela, il a scellé leur cœur. Hein? Comme s'il a barré, il a bloqué leur cœur, il a scellé leur cœur. Et donc, ils n'acceptent plus le bien. Et il n'y a aucune lumière qui peut parvenir jusqu'au cœur à cause du rejet de la vérité, à cause du fait qu'ils ont rejeté la vérité. Wal'iyadhu billah. Et le cheikh il mentionne le verset 110 dans sourate Al-An'am, qala ta'ala wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa qala aydan aw lam yahdi lil ladhina yarithuna al arda min ba'di ahliha an law nasha'a asabnahum bi dhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Donc le cheikh il a cité deux versets maintenant. Le premier, c'est dans Sourate Al-An'am, le verset 110, dans lequel il dit ce qui signifie « Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux et nous les laisserons marcher aveuglément dans la rébellion. » Nous les laisserons marcher aveuglement dans la rébellion. Voilà, yadu billah. Et il cite après un autre verset qui est le verset 100 dans Sourate Al-A'raf. Le verset 100 dans Sourate Al-A'raf, dans lequel il dit un verset qui mentionne quelque chose dans ce sens aussi. Il dit « N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que si nous voulions, nous les frapperions pour leur péché et scellerions leur cœur et ils n'entendraient plus rien ?» Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il scelle le cœur des kuffars, ceux qui rejettent la foi et rejettent la vérité une fois qu'elle leur est parvenue. Puisqu'ils la rejettent cette vérité, comme punition de ce rejet, Allah scelle leur cœur. Et le cheikh il dit فَالْقَلْبُ يُخْتَمُ وَيُطْبَعُ عَلَيْهِ وَيُغَطَّى بِالرَّانِ وَالرَّانِ هُوَ الذَّنْبَ الَّذِي هُوَ الذَّنْبَ عَلَى الذَّنْبَ حَتَّى يَعْمَ الْقَلْبُ فَيَمُوتُ والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Donc le cheikh il dit que le cœur, donc il peut devenir scellé, il peut être complètement empêché de reconnaître la vérité, bloqué complètement, scellé et fermé. Et il peut aussi être recouvert par qu'est-ce que Allah appelle ar-ran. Et Arran, qu'est-ce que c'est? C'est le péché par-dessus le péché. Lorsque quelqu'un fait un péché, ça fait une marque, un point noir sur son cœur. Et à force de continuer à faire des péchés, le cœur devient complètement noir jusqu'à ce que le cœur devienne aveugle et qu'il meure par la suite. Et il dit, قال سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Le verset 14 dans sourate Al-Mutaffifun, dans sourate Al-Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala dit non, certes, c'est le ran, leur péché à cause des péchés qu'ils ont faits, les péchés qu'ils ont acquis ont causé leur cœur de devenir couvert de péché, couvert de cette qu'est-ce qu'on appelle ar-ran. Et donc ils ne peuvent plus par la suite distinguer entre le vrai et le faux, entre le bon et le mauvais, entre la guidance et l'égarement. Pourquoi? Parce que leur cœur a été couvert de ce péché là c'est comme un voile, c'est comme un voile ou quelque chose qui couvre leur cœur. qu'on appelle en arabe Ar-Ran. Il dit فالإثم والمعاصي غطت على قلوبهم ثم هناك ما هو أشد من الران وهو أن يقفل على هذه القلوب كما قال تعالى أم على قلوب أقفالها. Donc le cheikh il dit le péché et les désobéissances que les gens ont commis, ça a couvert leur cœur, ça couvre leur cœur, et il y a même pire que Ar-Ran. Il y a encore plus grave que Ar-Ran, plus dangereux que Ar-Ran, c'est Al-Qafl. Yani, un yuqfal ala hadihi al-qulub. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est plus dangereux que Ar-Ran encore, c'est Al-Qafl, c'est-à-dire que le cœur devient barré. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala le verrouille. Il verrouille le cœur. Hein? Avec, comme un cadenas. Hein? Il devient comme un cœur verrouillé complètement. Et il mentionne le verset 24 dans sourate Muhammad, le verset 24 dans sourate Muhammad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbarun al-Qur'an, n'ont-ils pas médité sur le Coran? Am ala qulubin aqfaluha, ou bien ils ont des cadenas sur leur cœur qui font que leurs cœurs sont verrouillés, sont bloqués, hein? Il dit فهي مقفلة لا يدخلها ولا يخرج منها شيء. C'est-à-dire des cœurs qui sont verrouillés, qui sont bloqués. Il y a rien qui rentre, il y a rien qui sort de ces cœurs. وهذه هي بعض أنواع الأمراض التي تعتري القلب وبعضها أشد من بعض. Donc le cheikh il dit que leur cœur, donc ça c'est certaines des maladies qui peuvent atteindre le cœur de l'homme. Et qui yani, affecte son cœur. Et certaines de ces maladies sont plus graves que d'autres. Donc il y a Al-Khatm, il y a Al-Tab', il y a Ar-Ran, il y a Al-Qafl, il y a beaucoup de choses donc, qui peuvent atteindre le cœur. Toutes ces choses-là sont des choses très très graves et très très dangereuses pour le croyant. Il dit Wa sababuha kas al-ibad, fa idha aradta an yuslih. أن يصلح قلبك فعليك بالأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار. Donc il dit toutes ces maladies, quelqu'un lorsqu'il est atteint de ces maladies dans son cœur, c'est à cause de ce qu'il a acquis lui-même, c'est à cause de ce que l'homme a acquis lui-même, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste, il ne va pas sceller le cœur de quelqu'un ou verrouiller le cœur de quelqu'un, hein, à moins que lui, cette personne-là, a fait quelque chose qui a été une cause là-dedans, c'est-à-dire des péchés, de la désobéissance, de se détourner de la vérité, et ainsi de suite. D'accord? Et le cheikh, il dit que si tu veux que ton cœur devienne propre, devienne bon, la façon de faire pour ça, c'est que tu dois faire les bonnes œuvres et tu dois te repentir et tu dois demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va faire nettoyer ton cœur, c'est ça qui va faire ton cœur devenir bon, devenir doux, devenir yani, débloqué, et qui va faire en sorte que yani, la lumière va pouvoir rentrer dedans. Hein? Et il dit قال سبحانه والذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Donc il cite le verset 28 dans sourate Ar-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont la foi, ceux qui ont cru, leur cœur s'apaise au rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, hein? Que les cœurs retrouvent la tranquillité et yani, la tranquillité puis la sérénité et ainsi de suite. Il dit, hein? Verset 28 dans surat Ar-Ra'd, hein? Ar-Ra'd c'est le tonnerre. Le cheikh il dit وإذا أردت أن يضل قلبك فعليك بذكر الله والعبادة من صلاة وصيام وتلاوة القرآن، كل هذا يصلح الله به القلب. Donc le cheikh il dit, si tu veux que ton cœur reste toujours propre et en bonne santé et qu'il reste sain, alors tu dois faire le rappel d'Allah, le dhikr, te rappeler d'Allah constamment. Tu dois aussi faire l'adoration d'Allah, c'est-à-dire faire la salat, faire le jeûne, faire la récitation du Coran. Toutes ces choses vont faire en sorte que ton cœur va rester propre, va rester sain, va rester bon. Il dit « وَكَذَلِكَ كُلْ مِنَ الْحَلَالِ وَاتْرُكِ الْحَرَامِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْإِلْتِزَامِ بِالطَّاعَاتِ وَالْإِبْتِعَادِ عَنِ الْمَنْهِيَاتِ » Il dit aussi, le cheikh, que de même que si tu veux que ton cœur reste propre et qu'il reste bon, mange ce qui est halal et délaisse ce qui est haram, et ainsi que d'autres parmi les impositions, yani du fait que tu t'imposes à toi-même l'obéissance d'Allah et que tu t'écartes et que tu t'éloignes des choses interdites. Et il dit فصلاح القلب وفساده له أسباب يفعلها الإنسان فعليك أن تأخذ بأسباب صلاح القلب فإذا صلح القلب صلح الجسد كله فاحذر من أسباب فساده. Donc le cheikh il dit que la corruption ou la réforme du cœur ou la corruption du cœur, elle a des causes que l'être humain fait. C'est-à-dire que si ton cœur est propre, c'est parce que tu l'as réformé, tu as fait quelque chose pour qu'il soit propre. Si ton cœur est corrompu et qu'il est sale, tu as fait quelque chose pour le salir. Donc, tu dois prendre les causes pour réformer ton cœur si tu veux qu'il soit propre. Et tu dois t'écarter des choses qui peuvent le corrompre. Donc, fais qu'est-ce qui peut le réformer. Si ton cœur est réformé, ton corps sera réformé. Si ton cœur est propre, ton corps sera propre aussi. Tes actions vont être propres. Tes paroles vont être propres. Tes adorations, tout ce que tu fais va être propre. Si ton cœur est corrompu, eh bien, tout le reste va être corrompu aussi. Et donc, à cause de ça, tu dois faire attention. Toutes les causes de ce qui peut corrompre ton cœur, écarte-toi de ces choses-là. Il dit, وَقَلَّ مَنْ يَتَنَبَّهْ لِهَذَا إلا ما رحم الله عز وجل ولهذا على المسلم أن يهتم بقلبه. Il dit que il y a peu de gens qui malheureusement font attention à ça, ces choses-là, excepté celui à qui Allah fait miséricorde parmi les hommes. Et donc le musulman, il doit faire attention à son cœur et à l'état de son cœur. Et il dit وَيُبْعَدْ عَنْهُ ما يؤثر عليه سلبيا من أنواع المعاصي القولية والعملية والعقائد الباطلة والشكوك والأوهام ويستمع إلى كلام الله ورسوله ويحضر مجالس الذكر حتى يحيا قلبه. Donc le cheikh il dit que tu dois t'éloigner de tout ce qui peut avoir un effet négatif sur ton cœur, parmi les différentes formes de désobéissance, que ce soit des péchés par la parole ou des péchés par l'action, ou les fausses croyances, les mauvaises croyances que quelqu'un peut posséder, que quelqu'un peut avoir, ça aussi ça corrompt son cœur. De même que les doutes et les ambiguïtés et toutes les tracas et les soucis, hein, et les choses qui laissent entrer dans son cœur, ça, ces choses-là, il faut yani s'en écarter et s'éloigner de tout ça. Et il dit que tu dois écouter la parole d'Allah et la parole de son messager et assister aux cours et aux assises dans lesquelles on rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lesquelles on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala pour que le cœur revive, hein? Et c'est comme il y a le cheikh, il y a le frère Muhammad al-Maghribi, hein, qui vient, qui est, au, qui est imam aux États-Unis. Je crois que c'est dans Abu Muhammad al-Maghribi, barakallahu fik. Il est imam maintenant au, au. Non, c'est pas à Michigan. Non, non, non. C'est pas. Il est. C'est. tu vas nommer toutes les villes ou quoi? Non, non. Non, c'est dans le. J'ai oublié la ville, là, c'est quoi? Non, il était à New Jersey avant. Maintenant, il est rendu à. Une autre ville, c'est dans le sud, là. Il est à Atlanta, mais il y a une ville là-bas. C'est pas la ville d'Atlanta, c'est je l'ai sur le bout de la langue. C'est pour ça que ça me fait rire. Bon, c'est pas grave d'où il est. C'est pas grave. L'important, c'est qu'est-ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abu Muhammad? Il a dit une parole qui est vraiment intéressante. C'est une parole qui fait réfléchir, qui est remplie de sagesse. Mais à force de chercher la ville, là, qu'est-ce que je voulais dire? Je viens de l'oublier. Ouais, c'est pas Memphis, c'est pas. Je l'ai au bout de la langue. Chaque fois que je pense au sud, à Georgia, la Géorgie, c'est ça. Il est à Georgia. Oui, donc c'est ça. Donc, le Masjid al-Tawhid, na'am, barakallahu fi. Donc là, il est là-bas. Le frère Abu Muhammad, une fois, il a dit une parole qui était très intéressante, qui était reliée justement à ces choses-là. Ah oui, je me rappelle. C'est que il a dit, il y a des gens maintenant. La seule chose qu'est-ce qu'ils font comme écoute de dars pour apprendre leur religion, c'est qu'ils assistent, ils assistent à la khutbah de Jumu'ah seulement. Ils viennent à la mosquée, ils écoutent à la khutbah de Jumu'ah, puis toute la semaine, ils vont pas étudier, ils vont pas apprendre la religion, ils vont pas écouter des durus, ils vont pas écouter le Coran, rien, jusqu'à la semaine d'après, hein, le vendredi prochain, pour écouter encore un dars. Et donc il disait que ça c'est pas suffisant, hein, que ça c'est pas suffisant, que quelqu'un il se limite uniquement à apprendre ou à écouter des discours sur la religion seulement le vendredi. Puis il disait que quelqu'un doit donc assister à des durus durant la semaine. Durant la fin de semaine, à la mosquée, aller assister à des durus, écouter des durus sur l'islam. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et on voit que malheureusement, beaucoup de gens, ils négligent ces choses-là. Ils ne viennent pas aux durus lorsqu'on fait des durus à la mosquée. Ils préfèrent aller s'amuser, aller faire d'autres choses dehors. Et. La nourriture de l'âme, c'est la nourriture de la. Yani le fait d'apprendre sa religion, c'est comme une nourriture pour l'âme. Hein? C'est comme ton corps, il a besoin de se nourrir. Tu ne veux pas te nourrir juste une fois par semaine. Tu manges tous les jours, plusieurs fois par jour même. Ton âme, elle a besoin de manger aussi. Et la nourriture de ton âme, c'est la connaissance, c'est la science, hein, que tu vas apprendre du Coran et de la Sunna. Donc tout ça c'est des choses importantes. Tu ne peux pas te limiter juste à dire je vais juste prendre ça une fois par semaine. En tout cas il a dit ça dans ce sens là et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de mentionner ça comme ça, parce que ça fait réaliser l'importance justement de prendre le temps de s'asseoir pour se rappeler d'Allah et pour apprendre l'islam et renforcer notre foi. Le cheikh il dit ensuite: wa amma al-ghafla fa innaha takhtimu ala qalbi sahibiha. Qala sallallahu alayhi wa sallam yani la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'at aw la yukhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna min al-ghafilin. Donc le cheikh il dit, il y a quelque chose qui s'appelle al-ghafla. En arabe, al-ghafla ça veut dire quoi? Ça veut dire l'insouciance, l'indifférence. Quand tu deviens ghafil, ghafil, qu'est-ce que ça veut dire quand tu as al-ghafla? Al-ghafla c'est quelqu'un qui passe, qui donne pas d'importance aux choses de la religion, ou qui est pas soucieux de sa religion. Il est ghafil, ça veut dire il pense pas beaucoup à l'au-delà, il pense pas beaucoup au paradis, il pense pas beaucoup à l'enfer, il pense pas beaucoup au Coran, il pense pas beaucoup à la parole d'Allah, il craint pas beaucoup Allah, il est insouciant, indifférent. Hein? C'est ça al-ghafla, c'est l'indifférence, l'insouciance. Ça peut amener à la négligence aussi, mais c'est plutôt le fait de pas se soucier de ces choses-là, de pas donner dans notre cœur une grande importance et de réaliser la gravité de ces choses-là. Donc al-ghafla, c'est ça. Et il dit le cheikh que al-ghafla, il dit wa amma al-ghafla fa innaha takhtimu ala qalbi sahibiha. Donc al-ghafla, c'est quelque chose quand tu l'as dans ton cœur, l'indifférence, eh bien ça peut sceller ton cœur. Ça peut sceller la personne, le cœur de cette personne. Et il a mentionné le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abdullah ibn Umar et Abu Huraira. Donc les deux ont rapporté ce hadith. Et ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens doivent cesser de manquer la prière de Jumu'ah, sinon Allah va sceller leur cœur. Puis ils seront du nombre des ghafilin, c'est-à-dire du nombre des indifférents et des insouciants. Le hadith, il est en arabe sous la forme de ta'kid, yani tawkid. Tu vois qu'il y a le nun tawkid, la yantahiyanna. Hein? Et il dit أو لا يختمن الله ثم لا يكونن. Donc c'est comme le prophète met de l'emphase, c'est-à-dire que ces gens-là ils doivent cesser de manquer le Jumu'ah absolument, parce que s'ils ne cessent pas, certes Allah va sceller leur cœur et puis ils seront définitivement parmi les ghafilin. Donc c'est pour dire que c'est pas une blague, c'est grave, c'est sérieux la menace dans ce hadith-là. Donc c'est pour les gens ça qui manquent le Jumu'ah. Pourquoi? Parce que dans le Jumu'ah, le Cheikh dit wa shahidu min hadha al hadith anna tarka salat al Jumu'ah muta'ammidan sababun lil khatm ala al qalb. Donc il dit que qu'est-ce qu'on veut mentionner dans ce hadith, c'est que le fait d'abandonner salat al Jumu'ah volontairement, c'est une cause qui fait que le cœur de la personne va être scellé. Son cœur va être scellé. Et il dit فَإِنَّ حَيَاتَ الْقُلُوبِ تَكُونُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ. Donc, le cœur, pour qu'il soit vivant, le cœur pour qu'il soit réellement vivant, il faut qu'il adore Allah. Il faut qu'il soit dans l'obéissance d'Allah. Si le cœur... Si la personne n'adore pas Allah et n'obéit pas à Allah, c'est comme s'il n'y a pas de vie réellement dans son cœur. Tu peux voir la personne, elle marche, elle respire, elle mange, elle dort, elle bouge, hein, normal, mais elle est morte. Elle n'est pas vivante pour de vrai, parce que c'est le dhikr, c'est le rappel d'Allah et c'est l'adoration d'Allah qui fait vivre le cœur, la vraie vie, la vie de la foi, hein, pas la vie animal, la vie comme un animal, tu vois. L'animal, il mange, il dort, il se reproduit, il bouge. Mais est-ce qu'il comprend quelque chose de la réalité des choses de la vie? Non. Il ne se pose pas de questions. Hein? Il suit ses instincts et c'est tout. Mais l'être humain, il est différent de l'animal. Il a un esprit, il a un cerveau, il a un cœur pour réfléchir. Donc il est capable de comprendre, de chercher la raison de son existence, de savoir qu'il doit adorer son Seigneur et ainsi de suite. Donc s'il ne donne pas d'importance à ça et qu'il ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui l'attend après la mort et de se préparer pour l'au-delà, il devient un ghafil, il devient يعني quelqu'un qui est insouciant, et c'est comme s'il était mort. Le cheikh il dit: وأما قول الله تعالى في قلوبهم مرض فهذا حديث عن المنافقين ولقد ذكر الله في مطلع سورة البقرة ثلاثة أصناف من الناس ذكر موقفهم من القرآن والدعوة حيث قال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هؤلاء هم الصنف الأول وهم الذين تقبلوا القرآن ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون. Donc le cheikh il dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que dans leur cœur il y a une maladie, ça c'est lorsqu'il parle des hypocrites, des munafiqoun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'introduction de sourate al-Baqarah il mentionne trois catégories de personnes, et il les mentionne selon leur position vis-à-vis du Coran et de la da'wah. Et il dit que, yani, comme il mentionne dans le sens des versets de Surat al-Baqarah, les cinq premiers versets, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab wa la rayba fi. Ceci est un livre dans lequel il n'y a aucun doute, ou au sujet duquel il n'y a aucun doute. Hudan lil-muttaqin, une guidance pour les pieux. الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient en l'invisible. ويقيمون الصلاة, et qui établissent la salat. ومما رزقناهم ينفقون, et qui dépensent de ce que nous leur avons donné, يعني des choses que Allah nous donne, on dépense de ça, les croyants ils dépensent de ça. Et après il dit والذين يؤمنون بما أنزل إليك, c'est-à-dire ceux qui croient en ce qui a été révélé sur toi. وما أنزل من قبلك, et ce qui a été révélé avant toi. Et ils sont convaincus, ils ont la certitude de la foi en l'au-delà. Ceux-là sont sur une guidance de leur Seigneur. Et ceux-là sont ceux qui auront le succès, qui ont le succès. Le cheikh il dit que ceux-là, ce sont les croyants. C'est la première catégorie. Ce sont la première catégorie, ce sont les croyants, ceux qui ont accepté le Coran yani, extérieurement et intérieurement, c'est-à-dire en apparence, physiquement et intérieurement, c'est-à-dire dans leur cœur, ils y croient. Donc ce sont al-mu'minun. Après le cheikh il dit as-sinful thani al-kuffar alladhina rafadu al-Quran zahiran wa batinan. وقد ذكر الله وصفهم بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم يعني الآية. Donc le cheikh il dit la deuxième catégorie qui est mentionnée dans l'introduction de sourate al-Baqarah, c'est la catégorie des kuffar, c'est-à-dire ceux qui ont rejeté le Coran en apparence et intérieurement. C'est-à-dire, ils disent qu'ils rejettent le Coran et intérieurement dans leur cœur, ils n'y croient pas. Donc, cette catégorie, Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans le verset suivant. Innal ladhina kafaru, ceux qui ont rejeté la foi, qui ont mécru. Sawa'un alayhim, ça leur est égal. A anzartahum am lam tunzirhum, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, la yu'minu, ils ne croient pas. Et ils ne croiront pas. ختم الله على قلوبهم. Allah a scellé leur cœur. Yani, donc ça c'est des versets très clairs. Yani, les versets ça commence depuis le début de Baqara, le premier verset jusqu'à yani, là on est rendu au verset 7. C'est les 13 premiers. Wa alaykoum salam. Les 13 premiers versets. Ça c'est les cinq premiers. Puis après c'est à la suite. Il y a le verset 6 et 7, c'est à propos des kuffars. Puis les autres versets, c'est à propos des munafiqin. Il dit wa amma as-sinfu ath-thalith fa hum al-munafiqun wa ha'ula'i wa in ata'u fi adh-dhahir faqad 'asaw fi al-batin. كانوا قد أعلنوا الإسلام في الظاهر وأبطنوا الكفر في قلوبهم لأجل المخادعة ورفضوا الإيمان باطنا، وهذا هو النفاق الأكبر، وهو النفاق الاعتقادي الذي يجعل صاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهم أيضا مندرجون تحت الصنف الذي قبله أي الكفار. وفي بيان وصف المنافقين، donc le cheikh il dit que la troisième catégorie c'est la catégorie des hypocrites, et ceux-là même si en apparence ils montrent qu'ils sont obéissants ou bien qu'ils croient en Allah, mais dans leur intérieur ils ont désobéi, ils ont rejeté la foi, ils ont déclaré l'islam en apparence mais ils ont caché la mécréance dans leur cœur pour tromper les croyants. Ils ont rejeté la foi intérieurement. Et ça, c'est l'hypocrisie majeure. C'est l'hypocrisie de la croyance. L'hypocrisie dans la croyance. Et c'est cette hypocrisie-là, c'est ce nifaq qui fait de quelqu'un qu'il sera dans le plus profond des niveaux de l'enfer. Hein? Et il dit également que ils seront même en dessous des mécréants kuffar dans l'enfer. Les munafiqoun seront en dessous des kuffar qui sont ouvertement kuffar, parce que ils ont caché leur mécréance, ils se sont fait passer pour des mu'minin. Et donc le cheikh il dit ensuite ay al kuffar wa yani fi bayan wasf al munafiq wa fi bayan wasf al munafiqin qala ta'ala ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون أي بسبب كذبهم في دعواهم الإيمان وهم غير صادقين فذكر الله عز وجل في المنافقين بضع عشرة آية يعني في هذه السورة، وذكر صفاتهم القبيحة، فدل هذا على خطر النفاق والعياذ بالله، وهو ناشئ عن مرض في القلب، وهذا المرض ليس بمرض عضوي، فربما كان صحيح القلب عضويا ولكنه مريض معنويا، وهو مرض الشك والكفر والنفاق، وهذا أشد من المرض العضوي. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans surat al-Baqarah les versets qui suivent des versets au sujet des munafiqin, au sujet des munafiqin, et il y a à peu près 13 versets à propos des munafiqin. Donc il y a 5 versets à propos des croyants, et il y a 2 versets à propos des koufars, et il y a 13 versets à propos des munafiqin à peu près. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué et a détaillé sur les munafiqin plus que sur les koufars. Pourquoi? Parce que les munafiqin sont beaucoup plus dangereux que les koufars, puisque les koufars on sait qu'ils sont koufars, tandis que les munafiqin ils se font passer pour des croyants, donc ils peuvent tromper beaucoup de monde. Et il dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran à leur sujet, on peut le traduire comme signifiant les paroles suivantes. Parmi les hommes, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas croyants. Ils trompent ou bien ils cherchent à tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne font que tromper eux-mêmes et ils ne réalisent pas. Dans leur cœur, il y a une maladie et Allah fait croître cette maladie. Et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et le cheikh, il explique, il dit, c'est-à-dire, à cause de leurs mensonges, dans leur prétention d'avoir la foi, alors qu'en réalité, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas véridiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à peu près 10 et quelques versets dans le début de Surat al-Baqarah pour décrire les mauvaises caractéristiques des hypocrites. Et donc ça prouve le danger du nifaq. Et le nifaq, il vient de quoi? L'hypocrisie, ça découle de quoi? Il dit ça découle de la maladie du cœur. Et c'est quoi cette maladie du cœur? C'est pas une maladie du cœur qui est concrète, physique. C'est une maladie pas du cœur qui est le cœur qui pompe le sang. C'est plutôt une maladie du cœur qui est abstrait. Hein? C'est-à-dire, même si tu n'as pas de maladie dans ton cœur physique, ton cœur il fonctionne normalement, mais ça ne veut pas dire que ton cœur est, hein, ton cœur est en bonne santé. S'il y a une maladie du doute ou de la mécréance dans ton cœur ou de l'hypocrisie, hein, tu peux avoir un cœur en bonne santé, hein, mais tu as le doute dans ton cœur ou bien tu as le kufr ou bien le nifaq. Alors ça c'est une des pires maladies. Et il dit le cheikh que ça c'est même plus grave et plus dangereux que les maladies du cœur physique, les maladies cardiaques qu'on appelle. Hein? Donc le cheikh il dit وَأَمَّا الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ قِصَّةَ الْأَحْزَابِ وَمُجْرَيَاتِهَا وَمُجْرَيَاتِهَا وَمَنْ تَهَتْ إِلَيْهِ مِنْ نَصْرِ الْمُؤْمِنِينَ بعدما أصابهم من الشدة والكرب وكيف أن الله فرج عنهم ونصرهم ورد عدوهم من غير قتال ولم ينل عدوهم خيرا فالذي هزمهم هو الله عز وجل حيث أرسل عليهم ملائكة وريحا أكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وحصبت بالحصباء وحصبتهم بالحصباء مع ما أصابهم من الرعب فأسرعوا إلى الرحيل والقفول إلى مكة خائبين وفي هذا يقول تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le verset qui est dans sourate al-Ahzab, que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité par la suite, c'est-à-dire les versets 60 et 61, il dit que ça c'est des versets au sujet de la bataille de al-Ahzab. Et la bataille de al-Ahzab, c'est lorsque les mouchriquins de la Mecque se sont rassemblés contre les musulmans à Médine avec l'aide de beaucoup d'autres parmi les kuffars, parmi les juifs et d'autres. Ils se sont tous réunis et se sont tous mis ensemble, les différents groupes, pour venir attaquer les musulmans. Et c'est là que les musulmans ont creusé la tranchée, hein, pour affronter les mouchriquins et les kuffars. On l'appelle aussi la bataille de Al-Khandaq, hein? Et donc qu'est-ce qui est arrivé dans cette bataille? Finalement ils ont assiégé les musulmans et ils étaient nombreux contre les musulmans, mais la victoire a été pour les musulmans. Et après avoir subi beaucoup de difficultés et d'épreuves, Allah les a délivré les musulmans et les a rendus victorieux et les a secourus contre leur ennemis sans aucun combat, et leurs ennemis n'ont reçu aucun bien, et Allah les a complètement écrasés, hein? Allah subhanahu wa ta'ala les a complètement écrasés en envoyant des anges contre eux ainsi que des vents très forts qui ont renversé leur chaudron, qui ont fait partir au vent leur tente et qui les ont frappé par plein de al-hasba, c'est des roches, des cailloux ou bien j'avais le terme, c'est des petites pierres là, hein? Le vent qui soulevait ces petites pierres qui les frappait en même temps, et donc ils ont été pris par une crainte parce que c'était des vents vraiment violents, des vents vraiment forts. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous précipités pour s'en aller et retourner à Mecca, hein? Et ils n'ont rien pu faire contre les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il mentionne cet événement dans le Coran, dans Sourate Al-Ahzab. Ici, c'est le verset 25 qui est mentionné, que le cheikh il a cité ici. Et on va lire la signification de ce verset. Il dit: et Allah a renvoyé avec leur rage les mouchriquins sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Hein, il a renvoyé avec leur rage les koufars sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. C'est-à-dire, ils n'ont même pas eu besoin de combattre les koufars. Et Allah est fort et puissant. Donc, ça, c'est le verset en question, et il dit: وَلَقَدْ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ مُنَافِقُونَ شَايَعُ الْأَحْزَابِ وَتَكَلَّمُوا وَقَالُوا كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِمْ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَقَالُوا هَذَا الرَّجُلُ يَزْعُمُ أَنَّنَا سَنَفْتَحُ بِلَادَ فَارِسِ وَالرُّومِ وَأَحَدُنَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَذْهَبَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ إِلَّا وَمَعَهُ حَرَسٌ فهم يسخرون من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن إخباره بنصر الله له وقولهم هذا هو من باب الإرجاف فالمنافقون في المدينة في قلوبهم مرض وشك نعم كانوا يخوفون الناس ويثبطونهم ويفترونهم من عزائمهم ويقولون إنما أنتم فيه من الحصار والخوف دليل على كذب هذا الرجل فيما يقول ولكن الله تعالى فضحهم وأخزاهم وتوعدهم فقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة أي بنشر الشائعات من أجل إرجاف المؤمنين وإخافتهم وإن لم ينتهوا عن هذا فإن الله سيسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجاورونه في المدينة فيطردهم منها بأمر الله تعالى. Et donc le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il y a des hypocrites à Médine. À l'époque, il y avait des hypocrites à Médine. Et que ces hypocrites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à dire des choses, yani, pour effrayer les musulmans contre Al-Ahzab, contre les différents groupes qui sont venus pour les attaquer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné leurs paroles, hein, il a cité leurs paroles dans des versets dans Sourate Al-Ahzab, comme le verset 12, dans lesquels il dit: et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie du doute au cœur disent Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Hein? Donc ils accusent Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire des mensonges et de tromper les gens. C'est-à-dire qu'ils disaient: cet homme, il prétend que nous allons conquérir la Perse et Rome, alors que nous on est ici maintenant et on n'est même pas capable d'aller faire nos besoins, excepté qu'on amène avec nous quelqu'un pour nous surveiller ou nous protéger. Alors il se moque de la da'wah du messager sallallahu alayhi wa sallam et du fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que Allah allait lui donner la victoire. Et il disait cela dans le but de faire peur aux croyants et de les effrayer. Et ça, c'était les hypocrites qui étaient à Médine, ceux qui avaient de une maladie et des doutes dans le cœur. Et donc il faisait il disait ce genre de choses pour faire peur aux gens et pour les empêcher de continuer leurs efforts pour, disons, affronter les ennemis. Et ils essayaient de diminuer leur détermination. Alors ils disaient, yani, comme si vous êtes encerclé, vous êtes pris par l'ennemi et vous êtes dans la peur. Et ça, c'est la preuve que cet homme a menti. C'est-à-dire, ils accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir menti. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a démasqué et humilié les hypocrites comme il l'a mentionné, et il les a menacés par la suite dans Sourate Al-Ahzab, le verset 60 à la fin. Et c'est le verset que le cheikh a cité, justement, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le début du chapitre. Il dit: certes, si les hypocrites, ceux qui ont une maladie au cœur, ainsi que les mourjifoun, المرجفون, ceux qui veulent faire peur aux croyants par rapport aux kuffars. À Médine ne cesse pas de faire ce qu'ils font, nous t'inciterons contre eux. Hein? C'est-à-dire, Allah dit au prophète, on va t'inciter contre ces hypocrites. Et alors, ils n'y resteront pas. Hein? Ils ne resteront pas que peu de temps à Médine et dans ton voisinage. Ce sont des gens qui sont maudits, où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. D'accord? Et donc, le cheikh, il dit qu'ils seront chassés. Il dit, ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أي مطرودين من المدينة. Ils seront, يعني, quand il dit maudit, la traduction ça dit maudit, mais malun ça veut dire يعني, quelqu'un qui a été éloigné de la miséricorde d'Allah. Et ici c'est dans le sens d'éloigné de la ville de Médine et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أي عاد الله يعني عاد الله في الأمم السابقة الكافرة فقد محقها الله وأهلكها وهؤلاء مثلهم إن لم يتوبوا وينتهوا وهذا تهديد ووعيد من الله جل وعلا. Donc c'est-à-dire que s'ils ne cessent pas de faire qu'est-ce qu'ils font, ils seront expulsés ou bien ils seront tués, comme les autres peuples précédents ont été exterminés par Allah subhanahu wa ta'ala s'ils ne se repentent pas et s'ils ne cessent pas de faire ce qu'ils font. Et ça c'est une menace de la part d'Allah azza wa jalla. Et il dit ensuite فالحاصل أن مرض القلب خطير لأنه تنشأ عنه هذه الآفات الخطيرة كالإرجاف وتخويف الناس ونشر الشائعات وفي هذا يقول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة فإذا سمعوا شائعة أو خبرا سيئا طاروا به فرحا وأشاعوه بين الناس دون تثبت وذلك للتفريق بين المسلمين وهذا يؤثر على ضعف الإيمان ويصد عن سبيل الله فالله جل وعلا هددهم وتوعدهم على ذلك والدافع لهم على ذلك هو مرض قلوبهم الذي سبب لهم هذه الآفات الخبيثة نسأل الله تعالى العافية. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer tout ça, c'est que les maladies du cœur sont dangereuses, c'est quelque chose qui est dangereux et ça vient donc avec des maladies et des choses graves, dangereuses, comme par exemple al-irjaf et tahwif al-nas, comme si de faire peur aux gens et d'essayer de les troubler dans leur foi ou dans leur conviction et d'essayer de propager parmi eux des rumeurs, des fausses rumeurs pour les effrayer. Et le cheikh il mentionne le verset 19 dans sourate An-Nur dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit يعني, par rapport à ceux qui aiment diffuser ou propager يعني, des turpitudes, c'est-à-dire des péchés ou des choses laides parmi les croyants, il dit ils auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Et Allah sait et vous ne savez pas. Donc, ils aiment propager des rumeurs et des informations mauvaises pour les propager partout. Et eux, ils se réjouissent de ça. Ils sont contents de ça. Wal'iyadhu billah. Et ils le diffusent partout. Sans même vérifier la chose, est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est bon. Et ils font ça dans le but de diviser les gens, diviser les musulmans. Et ça a un impact et un effet sur les gens qui ont une foi faible. Et ça obstrue le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés. Hein? Et à menacer ceux qui agissaient de cette façon-là. Et donc, la chose qui les pousse à agir de cette manière, c'est la maladie qu'ils ont dans le cœur, et c'est ça la cause hein, de ces grands malheurs et de ces choses mauvaises. Nasallallahu alayhi wa sallam. Que Allah nous épargne de ces maladies yani du cœur. Wal'iyadhu billah. Donc, la prière, c'est à quelle heure? Je vois le maghrib. Il reste encore 15 minutes. Donc, on va lire l'explication d'un autre hadith, puis après on va s'arrêter. Le cheikh, il cite ensuite un autre hadith. Il dit, « وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الترمذي وقال حسن صحيح. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par al-Tirmidhi. Il a dit que c'est un hadith Hassan Sahih. Il est rapporté aussi par Ahmad et Ibn Majah et également al-Nasa'i dans al-Sunan al-Kubra. Et c'est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes le croyant lorsqu'il commet un péché ça fait un point noir sur son cœur. Lorsqu'il commet un péché, ça fait un point noir sur son cœur. S'il s'est repenti et qu'il s'est retiré et qu'il a demandé pardon pour ce péché, son cœur est nettoyé. Tandis que s'il continue, il augmente, eh bien son cœur augmente en noirceur. Et jusqu'à ce que ça prenne le dessus sur tout son cœur au complet. Et c'est ce qu'on appelle Ar-Ran. C'est ça qui est désigné par Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Mutaffifin, le verset 14, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. C'est-à-dire, non, certes, par les péchés qu'ils ont faits, a recouvert complètement leur cœur. Wal'iyazu billah. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit que من أسباب مرض القلب وقسوته وموته وإصابته بتلك الآفات القلبية الذنوب فإذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء فأصل قلب المؤمن أبيض نظيف ولكنه إذا أذنب صاحبه نكتت فيه نكتة سوداء فإن عاد إلى الذنب زادت هذه النكتة حتى تغطي قلبه وذلك الران الذي قال الله جل وعلا فيه كلا بل ران على قلوبهم يعني غطاها ما كانوا يكسبون من المعاصي والسيئات. Donc le cheikh il dit que parmi les causes des maladies du cœur, de même que la dureté du cœur, de même que la mort du cœur, c'est lorsque quelqu'un est affecté par ces choses-là, c'est quoi qui cause tout ça? C'est les péchés que la personne commet. Et il dit que lorsque la personne fait des péchés, ça fait un point noir sur son cœur. Et à la base, le cœur du croyant, il est blanc, il est propre, il est nadif, il est propre, il n'est pas sali. Et mais par contre, lorsqu'il commet un péché, eh bien, il y a une marque noir qui se crée sur son cœur. Et s'il ne revient pas de son péché, eh bien ça augmente, ça augmente, ça augmente jusqu'à ce que son cœur au complet soit couvert. Et c'est ça ce qu'on appelle Ar-Ran que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. Il dit non, certes c'est Ar-Ran qui a couvert leur cœur à cause des péchés qu'ils ont commis. Il dit وليس هناك احد معصوم من الذنب لهذا قال صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطا وخير الخطائين التوابون ليس هناك احد معصوم الا الرسل عليهم الصلاه والسلام بما عصموا به والا فالكل معرض للخطا فالمؤمن اذا تاب من الذنب تاب الله عليه وذهبت هذه النكته وعاد القلب أبيض كما كان وهذا مما يحث المسلم على المبادرة إلى التوبة لأجل أن ينقى أو من أجل أن ينقي قلبه مما أصابه. Donc le cheikh il dit que personne n'est protégé ou disons infaillible de faire des péchés. Personne est protégé de faire des péchés dans le sens qu'il pêche jamais. C'est pas possible. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit ça dans un hadith qui est rapporté par Ahmad ibn Majah et At-Tirmidhi selon Anas, que tous les fils d'Adam sont pécheurs et que le meilleur des pécheurs sont ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc personne n'est infaillible, excepté les messagers alayhi salatu wa salam, dans ce dans quoi ils ont été protégés par Allah. Hein? Donc tout le monde est susceptible de faire des péchés et de faire des erreurs. Et lorsque le croyant fait un péché, s'il se repent par la suite, Allah accepte sa repentance et tous ces points noirs qu'il y a sur son cœur, ils partent et son cœur redevient blanc comme il était, propre comme il était. Et tout ça, c'est dans le but d'inciter le musulman à se repentir pour nettoyer et purifier son cœur de ce qui a été dessus. Et il dit « Wal wajibu ala al muslim » أن لا يتساهل في الذنوب وأي أو يقول في نفسه الناس تعمل أكثر من هذا وأنا سأتوب لاحقا ويعطي نفسه المهلة بالتسويف لأن الشيطان هو الذي سول له هذا فعلى المسلم أن لا يؤجل التوبة بل يبادر بها حتى ينظف قلبه من هذه الآفة. الشيخ الجي Et ça, c'est très important. Il dit que le musulman, c'est obligatoire pour lui de faire attention à ses péchés, de ne pas prendre ses péchés à la légère. Hein? Et il dit qu'il ne doit pas se dire en lui-même non plus, il y a des gens qui font pire que moi. Parce que souvent, c'est ça que les gens font. Ils se basent sur les autres pour se juger lui-même. Et il ne prend pas l'exemple de ceux qui sont meilleurs que lui, il prend les exemples de ceux qui sont pires que lui. Ou qui sont plus mauvais que lui dans la religion. Donc ils se disent quoi? Ils se disent, même lui il fait pire que moi. Donc moi je suis pas si mal que ça. Et ça c'est mauvais. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Au contraire, dans la religion il faut regarder ceux qui sont meilleurs que nous pour nous encourager et nous aider à être meilleurs. Et non pas regarder ceux qui sont pires ou qui sont plus mauvais que nous. Et il y en a d'autres qui disent aussi, Je vais me repentir éventuellement. Hein? Je vais me repentir éventuellement. Pas tout de suite. Et il fait qu'est-ce qu'on appelle at-taswif. At-taswif, c'est-à-dire, tu dis saufa. Yani saufa atoub. En voulant dire, yani, je vais le faire plus tard. Hein? Comment on dit en français? Quoi le mot là? Hein? Procrastination, barakallahu fik, oui, c'est de la procrastination quand tu dis je vais faire demain, je vais me repentir demain. Hein? Pourquoi pas aujourd'hui? Non, demain. Après, le lendemain, tu dis pourquoi pas aujourd'hui? Tu dis non, j'ai le temps encore demain. Et à la fin, tu ne te repens pas finalement. Et c'est ça qui est dangereux avec ça. Ça vient du shaitan. C'est le shaitan qui te pousse à repousser la repentance à chaque fois plus loin. Et donc, il dit que le musulman, il ne doit pas retarder la repentance, il doit se précipiter et le faire le plus tôt possible pour nettoyer son cœur. Et il dit, وفي الحديث بيان مدى خطر الذنوب على القلب وفيه أن علاج ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل. فالمرض العضوي نعالجه عند الأطباء بالأدوية وبينما المرض المعنوي لا يحتاج إلى التردد على الأطباء وإنفاق الأموال لأن التوبة كلمة واحدة تقولها بصدق فتجلو بها قلبك من هذه الآفات الخطيرة. Et donc le cheikh il termine ce hadith en l'expliquant, en disant ça. Il dit que le hadith nous explique à quel point le danger du péché est grave pour le cœur. Et il dit qu'il y a également dedans le remède, c'est-à-dire la repentance à Allah. Et que la maladie du cœur, quand tu as des problèmes cardiaques, tu vas les résoudre ou tu vas les faire traiter par un médecin avec des médicaments, tandis que la maladie du cœur qui est abstraite, eh bien, elle, t'as pas besoin d'aller voir les médecins pour ça ou dépenser de l'argent pour le guérir. La seule chose, tu dois juste te repentir, et pour te repentir, tu dis une parole avec sincérité et ça fait que ton cœur se nettoie de toutes ces maladies et de tous ces dangers, de toutes ces choses dangereuses. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alaykum assalam wa rahmatullah.